L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Savoir développer une nation. Pour savoir développer une nation, il faut d'abord vérifier si les conditions sont remplies pour le développement. Ensuite, on réduit la nation à une gigantesque entreprise industrielle. Tout d'abord, s'il existe une dette, il faut vérifier la légitimité de la dette. Si la dette appartient réellement à des pays, pas à des banques privées, il s'agit de vérifier si le pays a prêté l'argent avec la volonté d'aider au remboursement. Dans le cas contraire, la dette peut être annulée. Si la dette appartient aux banques, il s'agit de mettre de l'ordre dans les banques. On met en place la transparence des banques par le vol de la monnaie et du négoce demandant du ménage. On sépare les dépôts de la spéculation, on appelle cela un Glass-Steagall, mis en place sous Roosevelt. Alors les banques financières tombent en faillite. On nationalise alors la dette avec des procès contre les banques. Ainsi, il n'y a plus de dette envers beaucoup de banques dans son pays. Ensuite, on crée une monnaie productive publique. On crée donc une banque publique nationale qui crée de la monnaie publique en fonction des futurs projets de production. Cela va des industries, en passant par l'incontournable agriculture, jusqu'aux grands travaux permettant de favoriser les industries et l'agriculture. Pour vérifier s'il y a une réelle économie de travail dans sa nation, on réduit sa nation à une gigantesque entreprise agricole et industrielle. Les services ne doivent pas se développer plus vite que les industries, sinon cela peut alourdir les industries. Les services doivent aider les industries et l'agriculture. Ainsi, le PIB ne contient pas les services ni le trafic. L'unité de mesure est le joule ou le watt, qui est la puissance de travail, autrement dit les joules en unité de temps. L'agriculture est prioritaire. L'argent public va d'abord vers l'agriculture, les industries doivent aider l'agriculture. Mais note, essayer de développer son pays avec ce chapitre de la méthode Larouche-Riemann. Définition de la valeur économique dans le manuel Larouche-Riemann. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.